Alors, aujourd'hui, on part explorer Cadillac-sur-Garonne. Nos documents nous indiquent que sa halle historique est le point de départ parfait pour une jolie boucle de randonnée locale, apparemment 3,75 km. Mais avant de chausser les baskets, si on regardait d'un peu plus près cette halle, c'est quand même le cœur de la Bastide depuis 1280, c'est ça? C'est fou cette longévité. Un lieu central depuis plus de 700 ans, pour le commerce, la vie sociale. Comment ça traverse le temps comme ça? Ben oui, c'est la grande question. Dès sa création, en 1280, on la conçoit vraiment comme le centre névralgique, quoi. C'est là qu'on vend, qu'on achète, mais aussi qu'on échange les nouvelles. Et cette fonction, elle est toujours bien vivante. Ah oui, comment? Surtout avec le grand marché du samedi matin. C'est très animé. On retrouve cette ambiance du sud-ouest, les produits frais, les gens qui discutent. C'est l'héritage direct des foires d'autrefois, en fait. D'accord, mais le bâtiment en lui-même, il n'a pas toujours ressemblé à ça, j'imagine. Non, non, pas du tout. À l'origine, c'était une structure en bois, classique pour l'époque médiévale. La grosse transformation, c'est au début du 19e siècle. Là, on reconstruit tout en pierre, style néoclassique, vous voyez, avec les grandes arcades là en plein cintre. C'est un architecte, Jean Richefort, qui a fait ça. En pierre, oui, ça marque une volonté de durée, mais il n'y a pas eu que ça comme modification. Non, justement, et c'est là que ça devient intéressant. Vers 1850, un autre architecte, Pierre-Auguste Labbé, il ajoute un étage. Un étage, pourquoi faire? Pour y mettre la mairie et la justice de paix aussi, une juridiction locale de l'époque. Donc, on a eu d'autres petites consolidations après. Mais ces deux étapes, pierre puis étage administratif, c'est ça qui donne la halle qu'on voit aujourd'hui. Regardez le frontispice. Sur le toit, il affiche bien ses fonctions républicaines. L'hôtel de ville est d'ailleurs toujours à l'étage. Une mairie juste au-dessus du marché, c'est assez parlant comme symbole, non? Le pouvoir et le commerce au même endroit. Exactement. C'est ça qui est fascinant ici. Le pouvoir administratif qui surplombe littéralement le cœur économique et social. C'est très fort. L'ordre républicain au centre de la vie de la commune. Cette superposition, elle montre bien la double fonction du lieu. Marchand et civique. Et ça dure, sur le même emplacement, depuis des siècles. Remarquable. Et la place autour? La place de la République. Elle raconte la même histoire. Oui et non. La fondation est médiévale, bien sûr. Mais l'architecture qu'on voit sur la place, elle est plus tardive. Les plus vieilles maisons, c'est 16e, 17e. Mais beaucoup de façades datent du 19e. On les a réalignées à ce moment-là. On voit encore quelques couverts, ces galeries ouvertes, mais elles ne semblent pas datées d'avant le 18e siècle. Tout a évolué ensemble, en fait. Donc, le marché, dont l'origine remonte à la charte de 1280, il est toujours aussi important aujourd'hui, même avec la mairie installée au-dessus? Ah oui, tout à fait. Le marché du samedi, il est même devenu énorme. Il déborde de la halle, il s'étend dans les rues autour. Son existence, elle est garantie par la charte de fondation, qui donnait déjà des règles précises. Aujourd'hui, c'est un vrai moteur pour Cadillac. Pour les produits du coin, le vin, c'est essentiel. Donc, pour résumer, cette halle, notre point de départ de rando, c'est bien plus qu'un vieux bâtiment. Absolument. Elle incarne à la fois l'adaptation et la permanence. D'un cœur de Bastide en bois, elle est devenue ce centre marchand et administratif en pierre au XIXe siècle, sans jamais perdre sa fonction première. Rassembler la communauté. C'est un peu comme un miroir alors, le miroir de l'histoire et de l'esprit de Cadillac. On y lit comment la ville a vécu, comment elle a évolué. Tout à fait. Et ça amène à réfléchir peut-être. Au-delà de l'architecture, de la mairie, qu'est-ce que ça nous dit un marché qui perdure au même endroit, de façon si vivante, pendant plus de 700 ans? Sur les besoins fondamentaux d'une communauté peut-être? Sur ce qui fait vraiment battre le cœur d'une ville, hier comme aujourd'hui.